Après une taille bon vert, mais les souvenirs à la poubelle. J'ai l'appétit d'un repeller, l'allergie va s'enfouler. Ma poule des noms de bouffons, j'en ai tellement à citer. Des mecs qui veulent jouer les darons alors que c'est des assistés. Incité face à la vie, quand c'est plus joue la tarteuse. La tête de mon découvert, chez moi je te jure, l'écart se creuse. Faut pas faire preuve d'empathie envers les empoignés. Impossible de compatir, c'est pas comme ça qu'on m'a éduqué. Je regrette l'époque des Air Max du PMX. Maintenant on traite terre fort avec son boule pessimiste. Persévère, y'a de l'espoir au Messi. Mais non, en 2007, homicide rime avec gros homicide. Avec l'alcool on s'évade, c'est vrai qu'on y a cru. Trop de la dosée, la vodka dans le club s'accrume. Sentiment devenu jetable, on est les rois du gaspillage. Entre nous je te signale qu'on se teste à gaspillage. Crois-tu qu'on a le choix? On est des débrouillards, je suis pas sous les projecteurs. Je suis ma vie sur des brouillons, des verrouillons. Le rap français, y'a du positif quand j'y pense. La procédure sur deux ans pour sortir très inconsistant. Crois-tu qu'on a le choix? On est des débrouillards, je suis pas sous les projecteurs. Je suis ma vie sur des brouillons, des verrouillons. Le rap français, y'a du positif quand j'y pense. La procédure sur deux ans pour sortir très inconsistant. Je connais un sens à ma vie, j'aimerais mais s'ils sont interdits. Je me lamente sur mon sort en écrivant dans un taudis. Méthodique et la prod, maudité mon écriture. Mes critères viennent du cœur d'une équipe solide et qui dure. Mais pour que dire, si c'était que tout va mal. Crois-tu qu'on prend le micro pour te raconter des salades? Malade, démonté quand je fais part de mon inquiétude. Tu verras pas de comique à la Jamel dans mes interludes. Utopiques sont mes rêves car les tropiques en font partie. On voudrait me faire croire que la confiance se trouve chez Darty. Bouché par les orties, sauf le chemin qui mène au rhum. J'aimerais passer de pauvre à riche comme de la ménagie de rhume. Un shoot au rime, les rumeurs, j'en prends l'habitude. L'alcool a tout niqué, j'essaie d'esquiver la biture. En gros, j'suis là pour dire que j'trouve de l'espoir dans ma plume. Pense ce que tu veux, moi j'suis là pendant tes pertes dans ma dure. Crois-tu qu'on a le choix? On est des débrouillards, j'suis pas sous les projecteurs. Je suis ma vie sur des brouillons, des verrouillons. Le rap français, y'a du positif quand j'y pense. La procédure sur deux ans pour sortir des sons consistants. Crois-tu qu'on a le choix? On est des débrouillards, j'suis pas sous les projecteurs. Je suis ma vie sur des brouillons, des verrouillons. Le rap français, y'a du positif quand j'y pense. La procédure sur deux ans pour sortir des sons consistants. J'étais compresse, le stylo à la main. Avec mes deux compères, le son nous attire comme l'aimant. Il en devient vital, comme deux poires manger. La rime, j'ai envie d'elle depuis que j'ai trouvé son point G. Mon stop, elle m'appelle pour que je m'en occupe. Tous les jours, je l'épelle, au scalpel, je la découpe. Mon terrain de jeu, ce prénom alphabet. C'est dans ce local que j'y joue, sur la banquette affalée. Je suis productif, mais que dans l'écriture. Pour moi, le chômage est instructif. Mon français prend de l'allure. Bon état, à l'école, cette époque a évolué. Depuis que l'encre s'écoule, de mes pensées, j'évolue. Pas rassurant, ces flots de l'armée de sang. Je m'engage dans l'armée du son, à son autre âge dans vos caissons. Bah, qu'est-ce qu'il y a? On devrait se taire et laisser faire. Tout chanter du Kyo pendant qu'était le Lucifer.